La troisième conférence des éléments les plus actifs du mouvement pour le titre de 7e régiment Osungu de l'armée populaire de Corée a eu lieu dans la capitale Pyongyang les 2 et 3 août, en présence des commandants et militaires exemplaires des troupes de tout échelon qui ont obtenu les titres de 7e régiment Osungu et Guni et le drapeau rouge de Trois Révolutions et des méritants qui ont contribué au développement des mouvements de masse dans l'armée. Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a fait son apparition sur la tribune d'honneur aux acclamations enthousiastes vivas de tous les participants. Fang Byung-soo et autres commandants de l'Armée Populaire de Corée, les cadres et militaires exemplaires dans les mouvements de masse, ont pris place dans la tribune d'honneur. Le camarade Kim Jong-un a prononcé le discours d'ouverture. Il a dit notamment « Alors que tout le parti, toute l'armée et tout le peuple livrent la marche générale pour atteindre l'objectif grandiose fixé par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée et crée chaque jour les exploits héroïques à l'étonnement du monde entier, se tient la troisième conférence des éléments les plus actifs du mouvement pour le titre de 7e régiment Osungu de l'armée populaire de Corée. Ce mouvement est le patrimoine précieux de nos forces armées révolutionnaires et le moyen le plus puissant de notre force militaire, marqué des exploits accomplis par le grand camarade Kim Jong-il pour l'édification et la direction de l'armée du parti. J'adresse les félicitations chaleureuses et le salut militant à tous les participants à la conférence et à tous les hommes de l'armée populaire qui restent fidèles infiniment à la mission et au devoir sacré assigné par le parti, la révolution et l'époque dans les avant-postes de la patrie et qui ont contribué à renforcer sur tous les plans la puissance politico-idéologique et militaro-technique de nos forces armées révolutionnaires. Continuer et développer toujours à merveille les mouvements de masse dans l'armée que les grands leaders ont dirigés avec un profond intérêt pour marquer l'apogée du renforcement de la force militaire, voilà la volonté et la décision inébranlable de notre parti. L'objectif de cette conférence, convoquée comme la première réunion de l'armée populaire depuis le 7e congrès du Parti Travail de Corée, est de faire briller à jamais les idées et les exploits du général Kim Jong-il en matière de mouvement de masse et d'opérer un nouveau tournant dans le mouvement pour le titre de 7e régiment Osungu et dans le mouvement de troupes Guni, conformément à la demande de l'époque et de la révolution en évolution, pour former toutes les troupes de l'armée en 7e régiment du temps de la guerre anti-japonaise et en troupes Guni du temps de la guerre, et placer l'armée populaire avant les autres en vue de défendre le parti et la révolution et d'accélérer la victoire finale. Certain de ce que la conférence contribuera grandement à préparer l'armée populaire, à défendre le parti et la révolution sous le drapeau de la transformation de toute l'armée selon le gimilsonisme gimjonglisme et à marquer un nouveau jalon dans le renforcement de la force militaire, je déclare l'ouverture de la troisième conférence des éléments les plus actifs du mouvement pour le titre de 7e régiment Osungu de l'armée populaire de Corée. Le rapport du sous-maréchal de l'armée populaire de Corée, Fang Byung-soo, chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, a été suivi des interventions. Le camarade Kim Jong-un a prononcé un discours de valeur de programme. Il a dit « La conférence est une occasion faisant date de préserver les idées et exploits des grands leaders en matière de mouvements de masse dans l'armée et de les développer en profondeur conformément à la demande de l'époque et de la révolution en évolution pour renforcer toute l'armée en 7e régiment Osungu d'aujourd'hui qui brave la mort pour la défense du parti et de la révolution. Je suis sûr que les participants lanceront avec vigueur le mouvement de masse pour former tous les hommes de l'armée populaire en véritables combattants révolutionnaires du Songun fidèles au parti. Et je précise quelques problèmes posés à présent par le mouvement pour le titre de 7e régiment Osungu. Actuellement, l'armée populaire a la tâche honorable de renforcer par tous les moyens la puissance politico-militaire pour défendre l'esprit du 7e congrès du Parti du Travail de Corée et d'accélérer la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Tse. Pour accomplir toute sa mission et tout son devoir sacré, l'armée populaire doit porter le mouvement pour le titre de 7e régiment Osungu à un nouveau stade élevé conformément à la demande de l'époque d'essor de l'œuvre révolutionnaire du Tse. Le mouvement pour le titre de 7e régiment Osungu constitue la ligne générale pour l'édification de l'armée et du parti. son mouvement le plus développé reflète l'exigence de l'actuelle époque. Le mouvement destiné à réaliser l'objectif général de l'édification de l'armée du parti permettra à l'armée populaire d'avoir la physionomie digne d'être l'armée du parti et de faire honneur de génération en génération aux traditions de la défense du parti et de la révolution. Faire retentir le son du clairon du 7e régiment aux aumônes du temps de la guerre anti-japonaise au sein de toute l'armée en vue d'écrire une nouvelle page de l'histoire du mouvement en réponse à la demande de l'époque et de la révolution en évolution, voilà l'intention du parti. Je lance le mot d'ordre militant qui appelle toute l'armée à devenir 7e régiment du temps de la guerre anti-japonaise et troupe kuni du temps de la guerre. L'important de ce mouvement est de donner la priorité à la formation d'une armée puissante sur les plans politiques, idéologiques et moraux. Notre parti a remporté seulement la victoire en privilégiant l'idéologie et par sa force dans l'édification et les activités de l'armée. C'est la ferme décision du parti de faire de l'idéologie et de la morale force motrice pour édifier une armée révolutionnaire du parti. Pour la transformation de toute l'armée selon le Kim Il-sung-Kim Jong-ilisme, le travail politique du parti doit être amélioré pour faire de l'armée populaire un rang d'avant-garde fort de la foi et de l'obligation morale qui est imprégné de l'unique idéologie du parti et qui a un solide système de direction du parti. Toutes les troupes seront transformées en forteresses imprenables pour la défense du comité central du parti, alors que les cadres et les militaires deviendront forts de l'idéologie et de la foi qui suivront le parti à jamais sur le long chemin de la révolution du Songun. Chaque troupe doit établir le style militaire révolutionnaire qui consiste à suivre seulement l'ordre du parti et appliquer au risque de la vie l'ordre et les directives du parti. L'éducation politique et idéologique doit être menée de façon concentrée au sein des officiers et soldats de l'armée populaire. Il faut donner l'éducation en 5 points axés sur l'éducation selon la grandeur des leaders sous différentes formes et méthodes de sorte que tous deviennent révolutionnaires authentiques qui appliquent au risque de la vie les recommandations des leaders et la politique du parti, forts de la foi et de la morale, qui ont l'ardent patriotisme, la conscience de classe anti-impérialiste inébranlable et la conception communiste de la morale, créateur compétent. Le travail idéologique doit être concentré pour que tous les cadres militaires deviennent Kim Il-sungistes, Kim Jong-ilistes, imprégnés de l'esprit révolutionnaire du Baek-tu. Il faut redoubler de la vigilance révolutionnaire face à la pénétration idéologique et culturelle et à la guerre psychologique des ennemis et faire régner au sein de toute l'armée le style de vie et la morale révolutionnaire. Ce qui est important ensuite dans la campagne est de procéder à toutes les activités pour le perfectionnement des préparatifs au combat. L'armée populaire doit porter l'attention principale à procéder aux exercices similaires au combat réel à scientifiser et à moderniser les exercices. Tous les cadres et militaires doivent s'imprégner des idées militaires de notre parti et opérer une plus grande révolution dans les exercices. Les manœuvres pratiques, l'élaboration des stratégies tactiques à usage pratique doivent être accentuées et les armes, les matériels de combat et équipements techniques doivent être feintrés pour un combat. La discipline d'acier est vitale pour l'armée populaire. Il faut adopter la méthode de commandement et de gestion de l'armée de guerriers anti-japonaise pour établir la discipline militaire rigoureuse et régulariser la vie des militaires, et un tournant doit être marqué dans la solution des problèmes posés par la vie des militaires. On doit pousser simultanément les mouvements pour la conquête et la préservation du titre de 7e régiment. Les unités qui ont obtenu le titre doivent concentrer les forces sur le mouvement pour le drapeau rouge des 3 révolutions pour multiplier des succès. Dans le cadre du mouvement pour le titre de 7e régiment, il faut livrer le mouvement de troupes kuni dont le principal est de faire tous les préparatifs politiques, idéologiques, militaires, techniques et matériels pour faire face à une guerre contemporaine. Les unités de l'armée populaire doivent accomplir des exploits exceptionnels dans l'effort pour réaliser le dessein du parti. Les officiers et soldats de l'armée populaire continueront l'histoire et les traditions brillantes de la défense et de l'application au risque de la vie pour devenir avant-garde dans la défense de la patrie et l'édification d'une puissance socialiste. Tous les militaires sont invités à participer de leur propre gré au mouvement pour que toute l'armée soit animée du mouvement de masse comme dans les années 1970. Il faut bien faire comprendre l'essentiel, l'objectif et la vitalité du mouvement pour que tous les cadres et militaires participent activement au mouvement. Après avoir précisé les tâches et les moyens concrets pour bien organiser le travail visant à créer l'unité exemplaire et à généraliser ses expériences, pour organiser l'émulation collectiviste au sein de toute l'armée à travers la campagne pour créer et suivre l'exemple et l'échange des expériences, pour porter le drapeau de la primauté de la capacité de se renforcer soi-même, pour renforcer la direction du parti, etc., en vue de lancer avec force le mouvement pour le titre de 7e régiment au Zhongwu, le camarade Kim Jong-un a ajouté « Notre armée et notre peuple s'élancent avec l'esprit révolutionnaire pour accélérer la victoire finale selon le dessein grandiose de l'œuvre révolutionnaire du Tse avancée par le 7e congrès du Parti Travail de Corée et un bel avenir est promis à notre patrie. » La présente conférence brillera jamais dans l'histoire de l'armée du Jutsu comme conférence pour la marche et la mobilisation générale destinée à opérer un tournant décisif dans le mouvement pour le titre de 7e régiment au Zhongwu et appeler toute l'armée à l'application de la décision du 7e congrès du parti. Notre œuvre est juste et seule la victoire et la gloire sont promises à l'armée puissante révolutionnaire Baek-Tusan pour qui ce mouvement est la ligne générale de son édification. Je suis sûr que l'armée populaire lancera avec force le mouvement pour le titre de 7e régiment au Zhongwu et le mouvement de troupes Kouni et accomplira à merveille sa mission et son devoir sacré assigné par l'époque et la révolution. Tous sont appelés à livrer les deux mouvements et à lutter avec force pour créer l'esprit qui représente l'époque Malima et accélérer la victoire finale de l'œuvre révolutionnaire du Tse. A été adopté le test de serment adressé au camarade Kim Jong-un. Dans son allocution de clôture, le camarade Kim Jong-un a dit « Tous les participants doivent servir de flambeau dans les deux mouvements pour animer toute l'armée. » Grâce aux idées et exploits du grand camarade Kim Jong-il en matière de mouvement de masse et à la direction expérimentée de notre parti qui porte le mouvement de masse original à un nouveau stade élevé, l'œuvre révolutionnaire du Sun-gun ne manquera pas de voir sa victoire finale au plus vite possible. Persuadé que tous les participants seront mobilisés dans la lutte pour ouvrir l'âge d'or de notre révolution avec l'esprit révolutionnaire du Baek-Tu et rempliront leur mission et devoir sacré dans l'œuvre pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la défense du parti et de la révolution, je déclare la clôture de la 3e conférence des éléments les plus actifs du mouvement pour le titre de 7e régiment au Zhongwu de l'armée populaire de Corée. La conférence terminée, le camarade Kim Jong-un a répondu aux acclamations des participants en agitant sa main un bon moment.